ruiné mes Jeannots, Jeannots, Jeannots, Jeannots, Jeannots, Jeannots. Chalengu as gori te, dil ke yare barat, te fengle sar milano, sharvanu, sharvanu, sharvanu, sharvanu. Chalengu as gori te, dil ke yare barat, te fengle sar milano, sharvanu, sharvanu, sharvanu, sharvanu, sharvanu. شربانو گر کدین برخانو لولی بده سنگانو بلسو بس که حیرانو شربانو شربانو شربانو شربانو گر کدین برخانو لولی بده سنگانو بلسو بس که حیرانو شربانو شربانو شربانو شربانو شربانو شربانو دریا دوست دزانو کس کسوران عزمانو یان چکادش منانو شربانو شربانو شربانو شربانو دریا دوست دزانو کس کسوران عزمانو یان چکادش منانو شربانو شربانو شربانو شربانو شربانو sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'émission des chroniques syndicales internationalistes assurée par le secrétariat international de la CNT comme tous les quatrièmes samedis de chaque mois. Alors aujourd'hui notre émission sera courte mais c'est avec une grande émotion que nous souhaitions exprimer notre entière solidarité à nos camarades kurdes en France qui ont été la cible hier d'une attaque sanglante en plein Paris. Nous leur dédions cette émission. Un rassemblement a eu lieu hier à proximité des lieux dans le quartier Strasbourg-Saint-Denis. Rassemblement violemment réprimé par la police pendant plusieurs heures, ce que nous dénonçons fermement aujourd'hui. Nous le rappelons, cette attaque armée, ciblée sur les camarades kurdes, arrive la veille de l'anniversaire des 10 ans de l'assassinat à Paris, le 9 janvier 2013, des trois militantes kurdes, Sakine Sanchez, Fidan Dogan et Leyla Solemez. Pour qui il n'y a jamais eu vérité et justice. Nous le savons, l'attaque d'hier contre les Kurdes est entièrement politique. Trois camarades ont été assassinés et quatre ont été gravement blessés. Nous exprimons toute notre solidarité aux familles, aux proches, aux amis et camarades des victimes. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas ici à la place des camarades kurdes. Nous avons enregistré hier soir leur conférence de presse organisée près du Centre culturel kurde. Nous vous transmettons dans quelques instants son intégralité, sans aucune coupure. Et avant de vous quitter, nous vous appelons à rejoindre massivement la manifestation appelée aujourd'hui par le Centre démocratique des Kurdes en France, à midi, place de la République à Paris, pour dénoncer cette attaque et exprimer toute notre solidarité. Nous vous appelons également à rejoindre la mobilisation pour la manifestation samedi 7 janvier prochain, pour la vérité et justice, pour Sakine, Fidan et Leyla, les trois camarades kurdes assassinés à Paris il y a 10 ans. Nous partons à la manifestation à République et vous laissons écouter la conférence de presse d'hier soir. Nous nous retrouverons le mois prochain, quatrième samedi de chaque mois. Mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir. Merci de votre très forte présence. Désolé encore une fois pour ce petit retard qui vient d'arriver, parce qu'on avait initialement annoncé que notre conférence de presse allait avoir lieu à 18h30. Comme vous le savez tous aujourd'hui, encore une fois, en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement, la communauté kurde a été frappée par un attentat terroriste, de caractère terroriste, en ce qui concerne notre définition de cette attaque. Encore une fois, malheureusement, la communauté kurde a été meurtrie en France, à Paris, et encore une fois dans ce même 10e arrondissement. Nous étions depuis quelque temps en train de préparer le 10e anniversaire des triples assassinats des militants kurdes qui ont été exécutés à Paris le 9 janvier 2013. Et de ce fait, encore une fois, nous avons été frappés ici. La situation politique en Turquie, les évolutions politiques concernant le mouvement kurde, concernant la communauté kurde, le peuple kurde, nous laissent très clairement penser que ce sont des assassinats encore une fois politiques. Par le biais de la presse, nous avons appris aujourd'hui que le caractère terroriste dans le cadre de la procédure n'avait à ce stade pas été retenu. Nous sommes actuellement indignés face à cette situation. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette affaire, le caractère terroriste ne soit pas retenu et qu'on essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple militant d'extrême droite qui vient, un récidiviste qui vient tout juste de sortir de prison le 12 décembre et vient commettre cet horrible attentat dans nos locaux du Conseil démocratique kurde en France, dans le siège de cette fédération qui rassemble des dizaines d'associations kurdes de toute la France. C'est pourquoi nous faisons encore une fois appel aux autorités françaises. Arrêtez votre coopération avec les services de renseignement turcs. Arrêtez votre complaisance face à l'impunité. Arrêtez votre complaisance avec les autorités turques quand il s'agit de la sécurité des Kurdes, des militants kurdes. L'une des victimes aujourd'hui assassinées était l'une des responsables du mouvement des femmes kurdes en France. C'est pourquoi il y a un caractère politique. C'est pourquoi il y a un caractère terroriste. Que personne n'essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple attentat orchestré par l'extrême droite. Je suis obligé de faire ce constat. Jusqu'ici, depuis plusieurs décennies, la communauté kurde n'a jamais été prise partie pour cible par l'extrême droite. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, particulièrement à la veille du 10e anniversaire de ces assassinats, que l'extrême droite ait commencé à s'en prendre à la communauté kurde au cœur de notre organisation, de notre institution? Selon notre première constatation, il se peut éventuellement que cette personne ait été retournée en prison par des membres djihadistes, par des membres de services de renseignement turcs en prison. Il n'est pas normal, il est incompréhensible qu'une telle personne s'en prenne de cette façon-là, à seulement 10 jours après sa libération, à la communauté kurde en plein cœur de Paris. Et encore une fois, à la veille du 10e anniversaire du triple assassinat des militants kurdes. Nous attendons des autorités françaises que la lumière soit faite, et toute la lumière soit faite sur cette affaire. Nous avons un souvenir horrible qui dure aujourd'hui depuis maintenant 10 ans concernant le 9 janvier 2013. Jusqu'ici, les autorités françaises n'ont pas reçu une seule fois les familles des victimes du triple assassinat de 2013. Jusqu'ici, les autorités françaises ne nous ont pas reçus, nous, en tant que CDKF, en tant qu'organisation kurde, concernant ces assassinats. Jusqu'ici, les services de renseignement français n'ont pas assuré notre sécurité. Il y a tout juste 20 jours de ça, lors d'un échange avec les services de renseignement français, j'ai fait moi-même, personnellement, fait part de mes craintes concernant notre sécurité. Il y a tout juste 20 jours de ça, j'ai souligné la nécessité d'augmenter la sécurité au sein et autour de notre association. Comment se fait-il encore une fois que malgré nos alertes, que malgré ces cris de détresse, que malgré cette tentative d'essayer de faire entendre au gouvernement notre voix, comment se fait-il encore une fois qu'on soit meurtri ici, qu'on soit assassiné de nouveau, encore une fois, sous la responsabilité des autorités françaises? L'une des personnes assassinées aujourd'hui avait entamé une procédure de demande d'asile auprès de l'État français. Pourquoi est-ce que cette personne s'est vue refuser, malgré que les autorités françaises savaient que c'était une militante française? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette femme n'a pas été protégée? Pourquoi est-ce que ces deux autres membres de notre association, activement de notre association, n'ont pas été protégés? Pourquoi est-ce que ces six autres personnes aujourd'hui sont dans cette situation? Excusez-moi, c'est trois autres personnes. Donc, il y a des questions et il y a des points d'interrogation qui demeurent toujours. Les autorités françaises doivent nous recevoir. Les autorités françaises doivent arrêter ce jeu cynique. Le 9 janvier, les assassinats ont survenu. Le 20 janvier, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, est allé rencontrer l'ambassadeur turc de l'époque. Nous avons les échanges. Nous avons reçu la note d'échange qui a eu lieu. Manuel Valls disait qu'ils allaient continuer à 11 jours après les assassinats des militants kurdes en France, qu'ils allaient continuer leur coopération pour lutter contre le PKK. Qui est terroriste alors dans cet État? Qui est-ce qui a agi en tant que terroriste ici dans ce pays? Est-ce que c'est le PKK? Est-ce que c'est le mouvement kurde? Est-ce que c'est la communauté kurde qui a dégradé, qui a tué? Est-ce que c'est nous? Ou bien est-ce que ce sont les services de renseignement français avec lesquels les autorités françaises coopèrent et ne lèvent pas depuis 10 ans le secret défense pour faire toute la lumière dans cette affaire? Qu'est-ce que la France a à se reprocher quand il s'agit de la levée de ce secret défense? Pourquoi est-ce que la France ne lève pas aujourd'hui le secret défense depuis 10 ans maintenant? Si le PKK n'aurait pas été sur la liste des organisations terroristes, aujourd'hui, ni le 9 janvier, ni aujourd'hui encore une fois, ces assassinats n'auraient pas survenu. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas stupides, nous ne sommes pas dupes. Nous savons de quoi il s'agit, nous savons très bien qui a orchestré ces assassinats. Nous savons que Erdogan et l'État turc sont derrière encore une fois ces assassinats. Que les autorités françaises n'attendent pas de nous de croire à leur version. Ils vont faire toute la lumière et ils sont obligés de faire toute la lumière concernant cette affaire. Et comme concernant les affaires du 9 janvier. C'est pourquoi nous sommes en colère. Nous sommes en colère parce que nous avons alerté à de multiples reprises. Et la dernière fois, c'était tout juste il y a 20 jours de ça. Nous sommes en colère parce que nous n'avons pas été entendus. Nous sommes en colère parce que nous faisons constamment arrêter. Nous nous faisons constamment réprimer par les autorités françaises. Qu'avons-nous fait aux autorités françaises? N'étions pas nous qui avons combattu contre Daesh pour sécuriser aussi à la fois la sécurité et la stabilité de ce pays, de la France? Rappelez-vous de 2014, de 2015. Tout le monde applaudissait le peuple kurde. Tout le monde applaudissait les combattants kurdes. Tout le monde parlait du courage des femmes kurdes qui ont lutté contre Daesh. Les autorités françaises le savent très bien qui a lutté là-bas au Rojava, en Syrie, au Kurdistan irakien contre Daesh. Les autorités françaises et les autorités militaires le savent très bien qui sont ces guerriers, qui sont ces combattants qui luttent contre Daesh. Donc on est arrivé à un stade où il faut arrêter de faire le dupe, où il faut arrêter de jouer aux trois singes. Nous n'acceptons plus cette politique d'État de la France. Nous n'acceptons plus cette politique qui divise le peuple kurde. Je lance solennellement un appel au président de la République. Il y a besoin d'une autorité politique. Il y a besoin d'une volonté politique nette, claire, précise de la part de la France. Ne pas laisser la question kurde en tant qu'otage de la diplomatie française. Ne sacrifiez pas cette cause. Il s'agit du destin d'un tout un peuple de 50 millions de Kurdes. De 50 millions de Kurdes. On parle du destin de 50 millions de Kurdes. Vous ne pouvez pas laisser ce sujet, ce dossier à la merci de la diplomatie française. Vous ne pouvez pas marchander sur le dos du peuple kurde de cette façon-là. Arrêtez-vous. Stop. On en a marre de cette politique. Il y a besoin que la France développe, élabore une politique propre, une politique kurde, une politique inclusive. Il faut que la France fasse appel pour la paix. Il faut que la France contribue pour la résolution de la question kurde. C'est ainsi que je lance mon appel au président de la République. Il y a besoin d'une volonté politique. Il y a besoin d'une volonté politique. Il y a besoin d'une volonté politique. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai à dire. La communauté kurde est endeuillée. Et jusqu'à ce que ce crime ne sera pas élucidé encore une fois, notre deuil se poursuivra. Jusqu'à ce que la lumière ne sera pas faite concernant cette affaire, nous continuerons notre quête de justice comme nous la continuerons pour le 9 janvier. Demain, à midi, il y aura un grand rassemblement sur la place de la République. Nous allons manifester notre colère encore une fois. Des dizaines de milliers de Kurdes vont défiler dans les rues de Paris encore une fois. Notre colère va être dans les rues de Paris. Il faut que les autorités françaises nous écoutent. Il faut que les autorités françaises ne retombent pas dans la même erreur qu'elle est tombée le 9 janvier 2013. Il s'agit très clairement, très nettement d'un attentat terroriste. Il s'agit très clairement, très nettement d'un attentat politique. Il s'agit très clairement, très nettement d'un féminicide aussi à la fois. C'est pourquoi nous allons continuer notre combat. Nous n'avons pas peur que l'État turc, que Erdogan, que les commanditaires le sachent très bien. Nous n'avons pas peur. Nous allons continuer notre combat. Nous allons continuer pour la liberté, pour la démocratie, pour les droits humains. Nous allons continuer ce combat pour la liberté universelle. C'est pourquoi nous n'avons pas peur et nous allons poursuivre jusqu'au dernier qui restera. Je vais laisser la parole à notre avocat, Maître Andik, qui va aussi faire un point juridique sur la situation. Oui, bonjour, je suis l'avocat du CDKF, David Andik, avocat au barreau de Paris. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup de colère aussi, on a pu le voir. Trois femmes ont été assassinées il y a moins de 10 ans. Aujourd'hui, trois militants de la liberté ont été assassinés, trois blessés. Nous ne connaissons pas encore leur sort, le sort qui leur est réservé. Désolé, je suis un peu ému parce que je fais partie des premiers, avec Agit Polat, à m'être rendu sur la scène de crime où ce massacre a eu lieu. On parle d'assassinat, je rejoins les propos d'Agit Polat, on parle d'assassinat et non pas d'attentat terroriste. C'est assez étrange, vous savez, je parle en ma qualité d'avocat, je défends des personnes, des militants de la liberté kurde qui, pour avoir manifesté, pour avoir parfois dégradé des biens, sont poursuivis en France avec la qualification terroriste. On parle de jet de pierre, de jet d'autres choses, et ces personnes-là sont poursuivies pour terrorisme. Aujourd'hui, on nous parle d'assassinat. On n'a pas vraiment mis les mots et on refuse de retenir la qualification terroriste. Ça suscite de la colère. Ça suscite beaucoup d'incompréhension. Il y a 10 ans, moins de 10 ans, trois femmes ont été assassinées. Depuis 10 ans, il y a un déni de justice. C'est ça la réalité que vit la communauté franco-kurde de France. Un déni de justice permanent en Turquie et maintenant, elle commence à le ressentir en France. On parle de personnes, monsieur Agit Polat disait tout à l'heure que la plupart, ou certains en tout cas, étaient réfugiés politiques. Ces personnes ont quitté des pays en guerre, pour ceux qui viennent de Nord-Syrie, du Rojava, le Kurdistan syrien, d'autres, la Turquie, pour fuir des persécutions politiques. Je les défends également dans le cadre de mon travail. Et ces personnes-là viennent en France chercher refuge. Elles fuient la mort, elles fuient les persécutions de ces États pour trouver refuge. Et finalement, ce qu'elles ont trouvé, ces personnes, ce n'est pas refuge, c'est la mort. Voilà le message qu'on envoie. La communauté kurde, aujourd'hui, a peur, elle était déjà traumatisée par ce triple assassinat qui est intervenu il y a moins de 10 ans à quelques rues d'ici. À quelques rues d'ici, oui. Et aujourd'hui, énième atrocité commise contre le peuple kurde, non pas en Iran, non pas en Irak, non pas en Syrie, non pas en Turquie, mais en France. La communauté franco-kurde est aujourd'hui en colère et elle a peur. Elle a peur, elle a besoin de réponses, elle a besoin de justice et surtout, elle a besoin de considération. Parce qu'en effet, quand on refuse d'accueillir les familles des trois femmes assassinées, quand on refuse l'accès au dossier également, une grande partie du dossier, au nom du secret défense, quand depuis ce matin, 11h, les coprésidents du CDKF, les représentants du CDKF, moi-même avocat du CDKF, nous essayons en vain de joindre les services compétents pour avoir de l'information, et qu'on ne nous répond pas, que l'on doit attendre les dépêches des journalistes pour avoir un semblant de réponse, eh bien oui, à ce moment-là, on peut être en colère. On peut être en colère et on peut se sentir au moins déconsidéré, si ce n'est sous-évalué, je ne sais pas, est-ce que les franco-kurdes sont des citoyens de seconde zone en France ? Voilà ce que j'entends tout à l'heure. Pourquoi n'y a-t-il pas d'escorte policière pour qu'il n'y ait devant les centres démocratiques kurdes de France ? 3 assassinats ont lieu et depuis, aucune surveillance policière. Les Kurdes sont livrés à eux-mêmes et on les assassine, pour certains, derrière moi, en toute impunité. Voilà ce qui se dit. On peut avoir votre nom ? David Andic, ANDIC. Moi, je voudrais dire quelques mots brièvement, parce que je pense que ça a été longuement dit. Mais encore une fois, ici, ce sont les Kurdes, les femmes libres, celles qui ont combattu et qui combattent toujours contre l'obscurantisme, qui ont été visées. Vous, les journalistes, vous êtes tous dans la rue. Quand on lance le slogan « Femme, vie, liberté », sachez que une des personnes qui a été tuée est à l'origine de la formation de ce slogan. Elle a donné toute sa vie pour que ce slogan « Femme, vie, liberté » voit le jour. Ce slogan qui est aussi une philosophie de vie. De ce fait, on ne peut pas ne pas qualifier cette attaque comme une attaque terroriste, tout en sachant que l'heure qui a été choisie pour les attaques n'est pas anodin. Il y avait ce matin une réunion des femmes kurdes, justement. À l'heure de l'attaque, il y avait une réunion des femmes kurdes pour justement préparer les actions du 9 janvier, du 7-9 janvier, pour l'assassinat des trois femmes kurdes en 2013. Et à cause des grèves et des trains qui étaient en retard, cette réunion a été reportée d'une heure. Dans notre malheur, nous avons la chance que cette réunion a été reportée d'une heure, sinon ce n'était pas 3 personnes dans le centre culturel kurde, mais c'était plusieurs dizaines de femmes qui auraient été assassinées. Des femmes libres, des femmes qui essayent, ici en France, de faire valoir cette philosophie de la liberté des femmes. Il faut aussi, on a un petit message, je pense que M. Pollat et l'avocat a parlé suffisamment, nous avons un message pour les Français. Sachez que la Turquie n'est en aucun cas un allié pour la France, pour les intérêts de la France, pour la diplomatie française. Par contre, les Kurdes, qui sont un peuple laïque, qui défend une politique multiethnique, paritaire, écologique, sont le seul à pouvoir promouvoir une paix au Moyen-Orient, et qui dit la paix au Moyen-Orient dit la stabilité en Occident. Et une dernière chose, depuis ce matin, 11h, les Kurdes n'ont pas accès à leur centre. On comprend, il y a eu des assassinats à l'intérieur, les Kurdes n'ont pas accès à leur rue. Monsieur le ministre Darmanin vient faire une déclaration, les journalistes sont invités à aller le rejoindre, mais pas les responsables du Conseil démocratique kurde. À qui voulez-vous faire une déclaration ? À la presse ? Vous pouviez le faire dans votre bureau ou vous pouviez le faire ailleurs. Vous venez devant le Centre démocratique kurde, il est de votre devoir en tant que responsable français, en tant que ministre, de vous adresser aux responsables du Centre démocratique kurde, ce centre qui a été visé et qui a été à l'origine de cette attaque terroriste. Donc, encore une fois, nous rappelons aux autorités françaises qu'il est temps que non seulement le secret défense sur le dossier de l'assassinat de Sakine Jansse Svidando en Leila Shailane soit levé, mais que toute la lumière soit faite sur cette attaque terroriste qui a été commise, je ne sais pas trop, par une personne qui serait raciste ou qui serait suprématiste. C'est quand même bizarre que dans la rue d'Anguin, il y a des dizaines d'ethnicités différentes, il y a des Africains, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Libyens, mais comme par hasard ils rentrent dans le centre kurde, comme par hasard ils rentrent dans le restaurant kurde, et comme par hasard ils marchent 150 mètres pour venir s'attaquer à un salon de coiffure kurde. Et encore une fois, ce sont les Kurdes qui l'ont attrapé comme ils avaient attrapé Ömer Güney, l'assassin des trois militants kurdes. Donc maintenant, la justice est un droit, est une dette envers le peuple kurde, envers le Conseil démocratique kurde, et la France et toutes ses instances doivent se mettre au travail sans attente pour que la justice nous soit rendue et que ceux qui sont derrière cet assassinat, cette attaque terroriste d'aujourd'hui, mais aussi ceux qui sont derrière les assassinats de 2013 soient traduits devant la justice pour pas que n'importe qui, les services secrets étrangers, viennent faire la chasse sur les territoires français, ce qui est une honte aussi pour la France. Mesdames et messieurs, si vous le souhaitez bien et que vous en avez, on va prendre des questions. Sinon, nous avons également des élus avec nous. Nous avons notamment Jean-Luc Mélenchon. Et d'autres élus qui vont également prendre la parole. Je suis Berivan Firat, B-E-R-I-V-A-N, Firat, F-I-R-A-T. L'assassinat a eu lieu à l'intérieur du centre. Ils ont survenu sur le palier de notre association, devant la porte d'entrée, sur le palier au-dessus. Donc, oui, on peut, dans ce sens, c'était la propriété de notre association. On peut de ce fait très clairement dire que c'était à l'intérieur de notre association. Et est-ce que le meurtrier a dit quoi que ce soit ? À ce stade, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas eu d'interlocuteur de la part des autorités. Le ministre, comme l'a évoqué ma collègue, est arrivé sur les lieux, mais ne nous a pas reçus, n'a pas reçu les représentants kurdes qui se trouvaient actuellement sur les lieux. Là, l'une d'entre elles était un artiste kurde exilé aussi, réfugié politique, qui était poursuivi en Turquie pour son art, pour avoir chanté en kurde. Donc de ce fait, cette personne résidait sur le territoire national depuis plusieurs années. Il était régularisé, il était reconnu en tant que réfugié. Donc les autorités françaises avaient le devoir, encore une fois, d'assurer la protection de cette personne. Mais ça ne s'est pas passé comme ça devait l'être. La troisième personne était également une personne fréquentant très régulièrement, même quotidiennement, notre association, un membre actif de notre association, une personne plus âgée, un citoyen kurde ordinaire qui avait l'habitude de fréquenter l'association. La première personne dont vous parliez était réfugiée. La femme n'était pas réfugiée, elle avait fait une demande qui a été rejetée par les autorités. Encore une fois, on voit à quel point les autorités devaient accorder ce statut-là. Bien évidemment, on ne sait pas si, même si le statut lui aurait été accordé, est-ce que les autorités allaient pouvoir aussi assurer sa sécurité ? On l'a bien vu que non. S'il n'y a pas d'autres questions, on va également accueillir les élus de la République qui sont ici à nos côtés pour affirmer et manifester leur soutien. Excusez-moi. Oui. Votre prénom ? Berivan. Bon, on va enlever les chaises du coup. Parce que ça sent mieux. Non. Excusez-moi, je vais prendre les chaises. mesdames, messieurs, je suis présent ce soir, accompagné de Aurélien Saint-Toul, Éric Coquerel, Jean-Christophe Selin, Carlos Biongo. J'espère n'avoir oublié personne. Christian Rodriguez. Par solidarité et émotion d'amis et de frères d'armes des Kurdes. Les Kurdes de France. Les Kurdes du Kurdistan. Les Kurdes présents en Syrie, sur le front de la lutte contre Daesh, sont les plus braves et les plus courageux et courageuses militants de la liberté et de l'égalité et de la fraternité. Ils sont pour nous un modèle, une source d'inspiration. Ils ont créé avec nous des liens de fraternité trempés dans le souvenir à chaque instant de ceux qui, ayant été en première ligne du combat ensuite, y ont laissé leur vie et nous ont laissé le chagrin de leur absence pour toujours. Des liens si intimes et si profonds unissent les Français aux Kurdes. C'est vous qui avez tenu la ligne de front contre Daesh. C'est vous qui combattiez avec les nôtres sur place, nos soldats. C'est vous qui avez fait une démonstration à Kobané de ce qu'il était possible de faire dans une région qui, pour le reste, ne brille pas par son goût pour la démocratie. Et à présent, voici qu'on vient vous tuer pour la deuxième fois sur le sol de notre patrie républicaine. Je dis pour la deuxième fois parce qu'il y a 10 ans déjà, 3 dirigeantes ont été assassinées. Il semble que les assassins aient une prédilection pour viser spécialement les femmes kurdes. Il y avait aujourd'hui une réunion de femmes kurdes prévue. Le militant politique et le tueur est venu. Certainement parce qu'il les visait, en tout cas on peut le penser. Nous voulons dire, après nous être concertés avec vous, chers camarades, que nous ne croyons absolument pas au hasard quand il s'agit d'assassinats de militants et de dirigeants kurdes à Paris. Il y a maintenant 15 jours que les autorités avaient été alertées. Il devait y avoir une réunion connue aujourd'hui. Et les 3 morts sont 3 militants kurdes, dont la responsable des femmes kurdes de France. Est-ce que cela signifie que d'aucuns, certains agents ou bien certaines officines manipulées, combinant leur action les uns avec les autres, agissent librement sur le sol de France pour venir régler des comptes et assassiner? Je pense que toute l'énergie des services de renseignement va se tourner vers l'élucidation de cette question. Et il faut qu'ils le fassent, et pas comme la dernière fois pendant 10 ans sans résultat. Nous voulons que soient capturés et châtiés ceux qui ont organisé l'opération qui a eu lieu aujourd'hui. Mais évidemment, avant toute chose, nous voulons vous dire notre affection, notre fraternité, les condoléances pour les familles de ceux qui sont partis aujourd'hui. La lutte est dure. Dans le monde entier, les extrêmes droites combinent leurs efforts et on ne sait jamais par quel chemin passent leurs manigances. Mais nous ne sommes pas naïfs et nous ne nous laissons pas attraper par des explications qui n'en sont pas. Comment avait-on pu refuser le statut de réfugié politique à un homme qui vient de payer de sa vie son engagement politique? Comment une réunion de cette importance, alors que l'alerte était donnée, ne bénéficiait d'aucune protection? Et quoi encore? Voilà. ce soir, chers amis, vous nous voyez, les insoumis, notre ami Besancenot qui est là avec nous, notre camarade, d'autres peut-être que j'oublie et je leur en demande pardon, qui sont très représentatifs de ce que ressentent les militants en France et les personnes qui sont attachées à la lutte pour la liberté, qui savent que vous payez en première ligne tout le prix de cette lutte, qui n'est pas en jeu, où ce sont les existences qui sont en cause. Dans ce moment de deuil, je voudrais notre profonde affection et notre profonde admiration pour la ténacité avec laquelle vous menez ce combat, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous arrive, à vous-même ou à vos proches, ici ou ailleurs. Merci. Monsieur Pollard, on peut vous demander un sonneur can you say in English what you say in French? Désolé, je ne parle pas l'anglais. Est-ce que l'avocat, monsieur David, tu peux. Monsieur David, en anglais, quelqu'un peut parler en anglais? Somebody can speak. Désolé. Je peux traduire? Merci, Ballon Louis. Tu peux traduire? Chris, peut-être que tu pourras. Tu veux une traduction? Non, on va voilà. Faire juste. Je préfère en anglais. Pour dire les quelques mots du début, si c'était possible, par rapport à ce que le jeune ministre Darmanin a dit. En français ? En français, cas-là. En français, on ne sait pas ce qu'il a dit. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire, parce qu'on ne l'a pas vu, parce qu'il ne nous a pas reçus, parce qu'il n'a pas voulu nous recevoir. C'est aussi clair que ça. Les représentants de la communauté sont ici. Nous savons tout ce que les autorités nous connaissent très bien, parce qu'ils nous... Ils nous suivent très bien. Donc ils ont nos numéros, ils savent qui nous sommes, nous les rencontrons aussi. Ils auraient bien pu nous rencontrer, ils auraient bien pu nous appeler, ils auraient bien pu parler avec nous. Il ne s'est passé aucun de cela. Et donc c'est pourquoi on ne sait pas ce que monsieur le ministre de l'Intérieur a dit. Juste reprendre parce qu'au départ on a eu un petit souci sur les faits, ce qui s'est passé ce matin dans le sens. On nous redire ce que vous avez déjà vu par la Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que un attentat terroriste est survenu 10 ans après le triple assassinat des 3000 des militants kurdes. Encore une fois, les autorités françaises n'ont pas assuré la protection de notre structure, le Conseil démocratique kurde en France. Encore une fois, les autorités n'ont pas assuré la protection des militants kurdes qui agissent légalement sur le territoire national. Et encore une fois, nous avons été meurtris, été frappés. Nous n'acceptons nullement que le caractère terroriste à ce stade ne soit pas retenu. Nous savons que c'est un attentat politique, terroriste, orchestré par les autorités turques. Nul doute pour nous que les autorités turques sont derrière, encore une fois, ces assassinats qui surviennent sur le territoire national. Nous avions fait part de nos craintes il y a seulement une vingtaine de jours de ça aux autorités françaises, à l'approche du 10e anniversaire, en vue des évolutions politiques, en vue des évolutions politiques en Turquie, tant comme au Moyen-Orient, en lien avec le peuple kurde et le mouvement kurde. C'est pourquoi, dans ce sens-là, les autorités, nous pouvons très facilement, très clairement dire que les autorités françaises n'ont pas accompli leurs devoirs, ne nous ont pas pris au sérieux, n'ont pas écouté nos alertes. Et donc on attend, encore une fois, les autorités françaises qu'ils accomplissent leur tâche. On attend des autorités françaises que toute la lumière soit faite sur cette affaire, car nous avons un souvenir qui date de 10 ans maintenant, et pour lequel les familles seulement, je ne parle même pas des représentants d'organisations kurdes, les familles seulement, n'ont pas été reçus par les autorités françaises. C'est une personne importante qui a été assassinée ce matin de la communauté kurde. L'une des personnes était responsable du mouvement des femmes kurdes, avait des responsabilités à l'échelle nationale au sein du mouvement des femmes kurdes. Donc oui, comme ma collègue l'a précisé aussi tout à l'heure, il était sujet d'une réunion qui a été reportée en raison des grèves et de certains inconvénients. Une réunion interne, encore une fois, il est important de préciser ce point-là. Comment se fait-il que un militant d'extrême droite, aujourd'hui, puisse à seulement une dizaine de jours après sa libération, puisse commettre un attentat comme celui-ci à Paris. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas poursuivi? Pourquoi est-ce que, comme Maître Handic l'a précisé, les simples jeunes Kurdes qui lancent des pierres, ou bien qui lancent des cocktails Molotov aussi, chose que nous n'acceptons pas bien évidemment, mais pourquoi est-ce que quand il s'agit des Kurdes, on arrive très facilement à retenir le caractère politique, mais pourquoi est-ce que dans le cadre d'un assassinat comme celui-ci, on n'arrive pas à retenir le caractère terroriste? Pour vous, c'est clairement un acte terroriste. Pour nous, c'est clairement... Vous en appelez à Emmanuel Macron, justement, vous en appelez à essayer de rencontrer le président de la République pour ça? Bien évidemment que nous appelons au président de la République à ce sujet, de nous recevoir, d'écouter enfin, de recevoir enfin la communauté kurde, les représentants de la communauté kurde. Il est maintenant important, on arrive à un stade où les évolutions politiques doivent changer. On arrive à un stade d'un point de vue géopolitique où les intérêts de la France aussi sont en jeu. On parle d'une Turquie qui est ennemie de la France, qui est ennemie de l'Europe, qui est ennemie des intérêts de la France. On le constate sur le continent africain, on l'a constaté au moins dans la Méditerranée orientale, on le constate au Moyen-Orient. Les chercheurs, les analystes militaires le savent très bien, et encore mieux que nous. Donc on parle d'un ennemi aujourd'hui. La France doit clarifier sa politique vis-à-vis du mouvement kurde, plus particulièrement du PKK, plus particulièrement du PKK. Et je ne m'en cache pas de parler de ce sujet. Et je n'ai rien à me reprocher de parler de ce sujet. Il en va aussi des intérêts de la France. Pendant que la Turquie est en train de mettre ce sujet du terrorisme en avant, les intérêts de la France sont en train de reculer dans ce sens-là. Et la Turquie a très bien compris ce jeu, parce que les autorités françaises ont peur de rencontrer les représentants kurdes. Parce que les autorités françaises, les services de renseignement français, que ce soit militaires ou DGSE ou DGSI, ont peur de rencontrer. Et pourquoi? Parce que la Turquie insiste sur le caractère terroriste. C'est le seul argument qui fait aujourd'hui trembler les services de renseignement français et qui met un barrage, en tout cas, en face de cette situation. C'est pourquoi, pour conclure, et ne pas me répéter encore une fois, il est important de trouver une solution politique, pacifique, inclusive à la question kurde. Nous en appelons encore une fois au président de la République de nous entendre, d'affirmer une volonté politique. C'est seulement le président de la République qui peut faire ça. De ne pas laisser la question kurde à la merci du Quai d'Orsay, à la merci des diplomates et à la merci des services de renseignement qui coopèrent, qui marchandent sur notre dos. Vous aviez demandé de la protection? Nous n'avons pas demandé de protection particulièrement, ou bien constante, mais nous avons fait part de nos craintes et nous avons dans ce sens-là, d'une manière générale, demandé effectivement que des mesures de sécurité soient déployées dans ce sens-là. Donc voilà. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Et si vous pouvez demain être avec nous lors de la grande manifestation rassemblement que nous allons faire à midi. Voilà. Et si vous voulez y aller jusqu'au centre, la police a enfin ouvert l'accès à la rue. Madame, comment vous pouvez vous présenter au sein de... Je suis la porte-parole des relations extérieures du CDKL. Et monsieur Collin, c'est quoi son... Qui est porte-parole du... porte-parole général. Je suis porte-parole du Conseil démocratique sur l'enfance. Merci. Zoo. Hatarik nirum Lo bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Asman geshbu Haurik irashad Düşmün gemar oya soyda Peshmerge rasa Çekle destaza Lo bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Lanao sengerda Kujmegra, aparizin istimanyan. Khoshvistimin, germin shahidbim. Lo bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Nakei tushiwan, la ser termimin. La shwene bedan bineja. Balenim pjevda. Adwa hnasa Lo bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Regei azadi Nekei qadun kei Serba koi kurd la birkei Mendel miyama Roje hardade Lo bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Khabati ema هر سر کمی سر بستشیم باشان آزی تو شوینیم بلینیم پیودن لو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو روشی سر کوتن ور سر گورم مجده آزادیم بو بینا مجده آزادیم بو بینا sur Radio Libertaire 89.4 et c'est toujours l'émission des chroniques syndicales internationalistes animée par le secrétariat international de la CNT tous les quatrièmes samedis de chaque mois. Cette émission dédiée aux camarades kurdes en France suite à l'attentat qui a été perpétré hier au siège du Conseil démocratique des Kurdes en France. Nous ne l'avons pas annoncé au début de l'émission, mais nous avons eu connaissance des noms des trois personnes qui ont été assassinées, des trois camarades qui ont été assassinés hier. Il s'agit donc, pour la responsable des femmes kurdes en France, Emine Kara, la deuxième personne, un jeune musicien kurde, réfugié politique en France, Mir Perwer. Et enfin, Abdullah Kizil, camarade kurde qui était au quotidien au centre culturel kurde, militant infatigable. On termine cette émission en vous laissant écouter des chansons, des morceaux, jusqu'à la fin de cette émission, les chansons de Mir Perwer. Jeune musicien qui a été assassiné hier à Paris. Et on vous souhaite une bonne manifestation à République et on se retrouve le mois prochain. Tele kolanam ben neçe dur neçe dur Bamba jaram bitena ben Bla roj ve teşi yer ben Siya tele kolanam ben neçe dur neçe dur Şivera dengdarleke Nece dur nece dur Baho zendelim raneke Rojal mentarineke Şivera dengdarleke Nece dur nece dur Bıkhina cahilin usanım Geçme ben çiçek usurguna Geçme ben çiçek usurguna Bekhina helin usanım Geçme ben çiçek usurguna Geçme ben çiçek usurguna Heuler, heuler Agir serhildane Kelaye berfedane İlina şehidane Heuler Agir serhildane Kelaye berfedane Rengin tüş av zenge her du çavan Roje seçer din herim Teynabim cetir nabim Ömrü yete kiriye Neyni gaher du çavan Roje seçer din herim Teynabim cetir nabim Deriye dile kwebepke Min bi kederge hafe Deriye dile kwebepke Min bi kederge hafe خونه کدلان من جوار خونه که من جخونه کدلان من جوار خونه که حتی مرن فرسا راموسان انت بکم حتی مرن فرسا کن لبت بکم حتی مرن فرسا دری دل دبکم Thank you. bajarı evin atayı Mene sukavi hemen Heyvele girme van Mene sukavi hemen Heyvele girme van Heyvele girme van Ne hemmateye Ne hemmateye Bihar be gülle hemma Ne hemmateye Avdal be evinate Ne hemmateye Devere zalim zalim Dil bendateye Devere zalim zalim Dil hibyateye Ne hemmateye, ne hemmateye Bihar be gülle hemma, ne hemmateye Avdal be evinate, ne hemmateye Devere zalim zalim, dil bendateye Devere zalim zalim, dil bacaran ninim her perçeye dilimin mazar men bebe juan bacaran juan bacaran ninim her kerkek rehimin mazar her perçeye dilimin mazar her kerkek rehimin mazar. tabe ne veje gula berabe çavreşi rulu tabe ne veje gula berabe ve çavan tez halandım teser hoş gerem teser hoş gerem ve çavan tez halandım teser hoş gerem teser hoş gerem خلق شکر لبه من آب خرد شیرین ناو دل من دجی گردی ای دل برامن بر خلق شکر لبه من آب خرد شیرین ناو دل من دجی گردی ای دل برامن شنگا مالا منی بین جگونین بهاره دیدی دی مشنیت دست مسکرم دست مسکرم دیدی دی مشنیت دست مسکرم دست مسکرم بر خلق شکر لبه من آب خرد شیرینی ناو دل من دجی گردی ای دل برام بر خلق شکر لبه من آب خرد شیرینی ناو دل من دجی گردی ای دل برام بر خلق شکر لبه من آب خرد شیرینی ناو دل من دجی گردی ای دل برام خلق شکر لبه من آب خرد شیرین ناو دل من دجی گردی ای دل برام بر خلق شکر لبه من آب خرد شیرین ناو دل من دجی گردی ای دل برام بر خلق شکر لبه بلک تسی خناده کس بلاوا من شفت تدیتم لأو بدوا من شفت تدیتم لأو بدوا نه آهو یجدور والی بنیرم نه آهو یجدور والی بنیرم نکرکوی خواب گرن و براوا نکرکوی خواب گرن و براوا جبو چجبو من سرگرانی وها درد که هر دو بگاوا وها درد که هر دو بگاوا اگر جان شیرین تجمند قوازی اگر روح شیرین تجمند قوازی ورب ببوت سر هر دو چاوا ورب ببوت سر هر دو چاوا جسال سر تکرد نالم در روز کی نگوت مالات آوا در روز کی نگوت مالات آوا مگو بر کل بر جاشان اشینه مگو بر کل بر جاشان اشینه امیرونن بخون جم بکوزا و امیرونن بخون جم بکوزا و جدستی تسبی از من و کالا نگل بل بل دنال مز بماوا نگل بل بل دنال مز بماوا دوان خابات از کریم جگر خین دوان خابات از کریم جگر خین فلک بس ملات نآوا فلک بس ملات نآوا Stress. به دنگی اکساره لاشه من ده جم دینه لاشه من ده جم دینه و جام ده ده و ز جام ده ده و ز جام ده ده و ز بدل ده Fatma'yı tendurda da, delal'i tendurda da more lele devare devare dit more fat more lele devare devare dit more fat more lele devare devare dit more fat more lele Rivane hey beriye beriye hey beri be rivane beri atjwa rejurte hey beriye beriye beri atjwa rejurte hey beri be beriye hey beri be rivane Botanya keziya berda sermela beriya keçika Botanya keziya berda sermela haliyan xurtin le dora deştu çiya baniya haliyan xurtin le dora deştu çiya baniya hey beriye beriye hey beri be rivane hey beri be beriye hey beri be rivane Biri dice navdara xımla xədi dəyara biri dice navdara xımla xədi dəyara akır berda dil xurta biri dice zalıma akır berda dil xurta biri dice zalıma hey beriye beriye hey beri be rivane hey beriye beriye hey beri be beriye hey beri be rivane kalmıştı söyle. Zılgıtlarla adım haykırılacak. Yine sevdalar barında büyük setilecek. Ben vezim gibi. Hacı ve siyabem gibi. Alişir ve Zarife gibi. Yiğitler gelecekler. Saçlarımı tarayıp ürgüyecekler. Ve bir bağırmıştı suyla. Ve bir bağırmıştı suyla. Bana güzelliğimi bahşedecekler. Rengi rengi esmere, aurin hacibe heybete. Men çekirici sitirkan tacı kişi terim. Vere xabı xemline şeveroni bekim. من چکریج ستر کن تاج کج تره وره خب خملی نه شبرونی بکن بلا هیچش بمینه لبدویاتم بلا هیمات بمینه لبدویاتم رنگی رنگی اسمره آوری نیبت هواله رنگی رنگی اسمره آوری خجب هیبت رنگی رنگی اسمره آوری خجب هیبت سیپانی خلاص شهد به او دلیاتیم بنیر البلم بنا چیای سیپانی سیپانی خلاص شهد به او دلیاتیم دل سیابن باجاری ابین خجم دل سیابن باجاری ابین خجم رنگی رنگی اسمره آوری نیبت هبالی رنگی رنگی اسمره آورین خجیب هیبت رنگی رنگی اسمره آورین خجیب هیبت رنگی رنگی اسمره آورین خجیب هیبت رنگی رنگی اسمره آورین خجیب هیبت Ava ez beten abem, he ev jironahi bu denim jetenabe varu chu ava ezbetenabe ev jironahi bu denim jetenabe çebekim çeneke derinip kevine deli xeb ferine جارش در بیم چه بکم چه نکم بری نب کوینم دل خب فرینم جارش در بیم Şin kereje tere hissenje evine navetene vesa le şarinjiyane Şin kereje tere hissenje evine navetekriye nakşeya jiyane felek men ararat felek men lesipan His kedi fire nadildi keline Felek min ararat felek min lesipan His kedi fire nadildi keline Çebekim çenekim erinip kevinim Deli xeb firine carek sere bejim چه بکم چه نکم برینب کوینم دل خب فرینم جارش دره بجم Şoförlüğe yarmaya شفاف است به کی سردن من باز که خدا باهین توش چند تیویر جان چه من دجلی جبر کو بگین انت و دا سوین خیال خوده من ابینا ته خملا جبر کو ابینا ته سده ما جاندن امنا پیش روشی موسیقی